Fanda ka place nzamba te yo. Amen. Des fois que l'on baga amen wana eza motuya. Amen. Si c'est ce que Dieu a vu que tu sois, sois fier de l'être comme ça. Mais le baka va vrai amen alors. Amen. Amen. Hein? Ouais. Ils ont contribué à progrès à l'évangile. Amen. Amen. Frère Bruno me dit que ce sont vos amen. Oui, oui. Vos alléluia. Alléluia. Vos dons. Vos dîmes, qui permettent à ce message de progresser. Même vos amen. Il faut pas faire semblant. Si tu es croyant, sois un vrai croyant. Comment tu vas nous faire depuis le sang de Bandia, tu es chigoyo, tu ni amène mon bébé, ou comme baba. Non. Quand Dieu est méchant, il a fait de nous apôtres, les derniers des hommes. Quand nous avons un ami, ils ont une position sous la benza. Balayé, nassé. Mais dans le royaume, c'est la première position de condamner à mort en quelque sorte. Parce que nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Oui, c'est la bande de Nzambe, Abimiki Bisho, Bantoma, Nansuka, Namolongo, Lokola Bato, Bakiti Samiete, Bakufa, et Tetojala, et Tali Selipo, Namokilipe, Pona Banje, Pona Bato. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Et maintenant, quand vous tirez un parallèle entre ce verset 9 d'un Corinthiens 4 et le verset 12 de 2 Corinthiens 12, comparons-les. Il dit, l'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Quelle est la première chose qui vient? Par une patience à toute épreuve. Apôtre. Vous êtes apôtre. Les épreuves pleuvront sur toi. Et pour prouver que tu es apôtre, c'est par ta patience. Face à diverses multiples épreuves. C'est l'un des traits caractéristiques. Ils feront dire, ah oui, c'est vrai. Un vrai apôtre. Toutes sortes d'épreuves. Les anges témoins. Les mondes témoins. Et les hommes témoins. Ils doivent confirmer et certifier que tu es passé. Quelle que soit la multiplicité d'épreuves. Qui pourrait contredire ce que vous défendez. Qui pourrait ridiculiser votre foi et votre prédication. Démontrez la patience. Deux, par des signes, des prodiges et des miracles. Ça accompagne l'apôtre. La Bible dit que ce sont les preuves de l'apostolat. Vous avez l'apôtre qui a été incapable. Mais moi je suis un apôtre, frère, apôtre. Donc, il n'y a pas comme un apôtre. Nos frères, il faut que ça vous vienne de Dieu et que votre vie l'éprouve. C'est pas toi qui serais possible. Oh non, tel frère, il doit être un apôtre, hein? Donc, écoutez les lois. Kaka boye. Petit la monnaie ne boye. Vous, apôtre. Nos frères, soyez sérieux. Ayons de la retenue chrétienne. Il y a un contenu biblique. À ce titre qui paraît banal. Vous allez chez le néo-apostolique, le nouvel ordre apostolique. Nouvel ordre néo-apostolique. Des foutards qui fument de la cigarette. Et puis ils disent que ce n'est que par l'imposition des mains de l'apôtre. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Des gens qui fument la cigarette. Et puis on se rassure entre eux, oh non, ils vont vaincre ça. Donner les serments de responsabilité vont vaincre ça. Et ça va oublier le message de la colonne. Plus il va faire le travail, plus il va vaincre. Frère Branham s'en moque. Un homme doit faire ses preuves. Avant de passer ici à la chaîne. Il doit faire ses preuves, c'est le chrétien. Oh! Quel genre d'apport qu'on a ici? Il met des cigarettes. On met la canaille, tombago, et des choses comme ça. Et vous, il apporte. Non, frère. C'est pas sérieux. Okay. Donc, donnons du respect à cette étude biblique. Ce ne sont pas des jouets à balancer. Ce sont des termes sacrés, consacrés par Dieu. Et si vous nous voyez titré William Branham, identifié comme apôtre, ce n'est pas par fanatisme. Êtes-vous là? J'aimerais lire un peu quelque chose ici. Nous avons lu la Bible. Nous pouvons lire aussi William Branham. Êtes-vous prêts? Et vous l'aimez aussi? Amen. Ah, moi, c'est pas un peu de Branham. Oh, pourquoi? Oui, parce que il faut les lire. C'est ça, hein. Lili, c'est à lui que le message a été confié. Si ce n'était pas toi, ni ton oncle, ni ton grand-père. Mais dis-le, nous, on fasse quoi? Donc, incrédulité, nous, les femmes, nous, dis-le, tu retends le message. Parce que nous n'avons pas de problème avec le message. Le Seigneur a dit message. Message. C'est comme ça. La persévérance. Faut que tu aies grand pire, hein. C'est pas seulement les apôtres qui sont donnés un modèle. Nous aussi sommes persévérants. La persévérance spéciale du 18 février 1962. Je prends le paragraphe 244. Eh bien, si vous ne pouvez pas me croire sur parole, vous devriez tout bonnement vous en aller. Toyokana bien. Si vous ne pouvez pas me croire sur parole, vous devriez tout bonnement vous. Vous entendez-vous les hommes? Et les femmes aussi? Ne faisons pas semblant. Si nous sommes croyants, soyons des vrais croyants. Et quand la parole sort, disons amen à la parole. On ne fait pas semblant. Toye Moussala l'ensemble. Toye Kossala l'ensemble Moussala. Moussala position là. Alors, si vous ne pouvez pas me croire sur parole, vous devriez tout bonnement vous en aller. Et si je ne peux pas vous croire sur parole, ça devrait être la fin. Confiance, arrêtons. Faisons autre chose. Allons ailleurs. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Il envoie des dons dans l'église. Des apôtres. Un apôtre, c'est quoi? Un missionnaire. Et un missionnaire, le mot missionnaire veut dire un envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Un prophète, c'est un voyant. Un pasteur, un docteur, un évangéliste. Toutes ces choses, suivez, quelle est leur caractéristique commune? Il dispense correctement la parole de Dieu. Quelle l'on soit apôtre, vrai du Seigneur, prophète, vrai du Seigneur, docteur, vrai du Seigneur, pasteur, vrai du Seigneur, évangéliste, vrai du Seigneur. leurs traits caractéristiques communs. Ce que chacun d'eux et tout cela dispense la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est non ou c'est amen. Amen. Je répète. Apôtre. Thomas. Vrai du Seigneur. Prophète. Vrai du Seigneur. Docteur. Vrai du Seigneur. Pasteur. Vrai établi par le Seigneur. Évangéliste. Vrai établi par le Seigneur. Leurs traits caractéristiques communs. Ce qui dispense la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui dit non? Amen. Que Dieu te bénisse. Il ne s'agit pas de dispenser la parole de Dieu. Il faut bien lire le message. Je le fais en tant que message. Vous avez un peu de papier. Toi, il y a non. Ce sont les affaires du royaume. Amen. C'est non. Leur trait caractéristique commun, ce n'est pas de dispenser la parole de Dieu. Leur trait caractéristique commun, c'est de dispenser correctement la parole de Dieu. Y a-t-il une différence? Il y en a beaucoup qui. Parce que d'un côté, il y en a qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Il y en a d'autres qu'on a présentés comme des apôtres par excellence. Mais qui n'ont rien foutu. Juste des titres gonflants. Mais maintenant, dans ce, parmi les gens qui prêchent, tout ce ne prêche pas que l'évangile original. Ici, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. 2 Corinthiens 2, verset 17. Il y en a plusieurs qui falsifient la parole. Ils viendront à vous avec le langage de la parole. Ils parlent de la parole. Mais c'est une parole mal dispensée. Mal présentée. Et vous allez dire, oh bon, vous le voyez là-bas, qui va s'aller dans Zambé. C'est comme on est dans le côté. Mais il y a un. Est-ce que c'est compliqué, ça? Pour les gens qui ont symbole, ils ont un symbole. Ils ont un symbole. Amen. Pour les gens qui ont un symbole, ils ont un symbole. Ils ont un symbole. Ils ont un symbole. Ils ont un symbole. Ils ont un symbole. Tokolobaka na sembo na miso na nzambe kati na Kristo. 2 Corinthiens 4 verset 2. Encore là. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Écoutez, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Les uns falsifient, d'autres abîment la parole. Altérer, c'est abîmer. Dégrader la parole. Il y en a qui le font. Mais la différence ici, c'est que quand Dieu en établit selon sa présence, c'est pour dispenser correctement la parole. Correctement. Donc c'est un bon imbis. On a besoin de bokeh bien dans poisson. Ozoko amen lo yenge. Donc tu retires un mot de ce que le message dit. Tu as dit amen quand il y avait ces mots là et quand on a retiré ces mots, on a retranché. Tu as continué à dire encore amen. Comme si on osait sur la magambozo le amen était. Hein? Il faut qu'on dispense correctement la parole de Dieu. C'est cela. Et il apporte. Et quand il le font, et puis les dons de l'esprit opèrent dans l'église, confirment la parole et montrent que Jésus-Christ est vivant dans l'église. Donc la parole est d'abord dispensée correctement. Les dons viennent après. Viennent ensuite pour manifester la puissance de Dieu et confirmer que Jésus vit parmi nous. Mais la parole d'abord correctement. Oh, parole, parole, parole. Correctement. Ne nous détournez pas notre attention, notre vigilance. Nous avons besoin de la parole correctement. Et tout le reste, alors le diable aura les portes fermées. Mais dès que vous vous montrez complaisant, côté parole, tous les tralala des dons, ce ne sera qu'un réveil des démons. Ils viendront se moquer de vous. Et votre spécialité deviendra la sorcellerie. Un sorcier. L'autre ici, un grand magicien. Est-ce que c'est votre devoir d'aller raconter la sorcellerie de votre chrétien? Vous devez aller les affronter eux. Ozo banga bango, mais ozo koko sabiso, tata moi sine ndoki, maman ou legiwana, yene. Tende paina ye. Soko zana sabe, kede koko sabe ye. Parce que notre lumière doit briller dans les ténèbres. Pour les navires de Tengelengue, n'a pas de molili. Mais c'est quoi ça quand on dit, pourquoi maintenant toi tu me le dis moi? Vous avez compris que c'est un bon anime. Oh, vous avez un bon anime, pour que vous avez incapable. Vous avez ma coquille. Tu es un incapable. Vous ma coquille. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a envoyé Paul là-bas dans ce royaume des ténèbres. Pour arracher les âmes là-bas. Mais il ferait face aux représailles de ses esprits. Mais il n'aurait pas à les éviter. Pierre a affronté Simon le magicien. Paul a affronté Elimas le magicien. C'est ça la manière de la Bible. Ce n'est pas de tirer le courrier à côté comme ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair de l'esprit. Mais contre les esprits méchants. Contre les dominations. Les autorités, les principautés. Là, dans les lieux célestes. C'est là que nos âmes sont dirigées. Il faut affronter Elimas le magicien. Affronte-les. C'est vrai, hein? Que Dieu nous aide. Nous sommes mal influencés par les groupes de prière. Et nous faisons des choses pensant être spéciales. Alors, ce n'est plus le chemin de la Bible. C'est vrai. Dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêcher les 4 janvier 1957. J'ai lu le paragraphe 59. Maintenant, la Bible dit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Ou les missionnaires. Les deux mots disent la même chose. Comment les gens préfèrent être appelés missionnaires, je ne sais pas. Mais je pense que le mot apôtre, c'est mieux. N'est-ce pas? Les mots apôtre n'est-il pas mieux? Frère Branham dit, je pense que le mot apôtre c'est mieux. Et bien, j'ai posé la question, n'est-ce pas? Amen. Oui. C'est Frère Branham qui dit ça comme ça. Ok. Donc, c'est cela. Donc vous êtes devenus attentifs. C'est bien. Je pense que le mot apôtre, c'est mieux. Mais apôtre signifie celui qui est envoyé. Que signifie missionnaire? C'est lui qui est envoyé. Entre les deux mots, apôtre et missionnaire, lequel figure dans la Bible? N'est-ce pas? Là, sans crainte d'être contredit. Ou d'être redressé. Vraiment. Dans la Bible, c'est apôtre. La Bible est dans les Thomas. Et on l'a lu à plusieurs endroits. Apôtre, apôtre. On l'a vu au tableau là. Ça y est là. Alors, Frère Branham dit, je pense que le mot apôtre, c'est mieux. Mais apôtre signifie celui qui est envoyé. Et que signifie missionnaire? C'est lui qui est envoyé. Il y a les apôtres. Il y a les prophètes, c'est-à-dire les voyants. Il y a les évangélistes. Il y a les pasteurs. Il y a les docteurs, 5 différents offices que Dieu a établis dans l'église. 5. Vous ne pouvez pas retrancher une partie de cela. Et laisser les autres. Vous devez les prendre tous. D'accord? Amen. Nous devons les prendre tous. Parce que Dieu les a établis tous. Nous ne pouvons pas retrancher quelque chose. Dieu a établi. Un pasteur n'est pas un évangéliste. Position. Amen. Un pasteur n'est pas un évangéliste. Un évangéliste n'est pas un apôtre. Un apôtre n'est pas un voyant. Thomas, tu as allé mon monité. Et ainsi de suite. Et bon, la bongo. Chacun est ce que Dieu a fait de lui. Mais vous pouvez avoir plus de ministères ou plus d'un don. Spirituel, n'est-ce pas? Ça, c'est une révélation. Tout cela sert à l'édification du corps de Christ. Donc, vous voyez que un pasteur n'est pas un évangéliste. Un évangéliste n'est pas un apôtre. Un apôtre n'est pas un voyant. Qu'est-ce qui se raconte aujourd'hui dans les églises? Il y a des apôtres à l'église. Il y a des visionnaires à l'église. Donc. Mais un apôtre n'est pas un voyant. Thomas, vous voyez tout ça? Ce sont les faux enseignements. Les confusions entretenues délibérément. Par des gens qui refusent la vérité. Qui prétendent connaître, mais ne veulent pas apprendre. C'est pitoyable. Donc, l'apôtre, c'est l'apôtre. Thomas. Le prophète, c'est le voyant. L'apôtre, il est un envoyé. Le prophète, lui, il est un voyant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, dans le langage d'aujourd'hui, dans les milieux religieux, quand on cite apôtre, des fois, c'est or. Le langage qui est devenu plus répandu, c'est le mot missionnaire. Bien que le mot apôtre, c'est mieux selon la Bible, le missionnaire est plus répandu aujourd'hui. Et les gens préfèrent se présenter comme missionnaire pour ne pas offenser les ressemblables. Quand ils font allusion au ministère apostolique. Alors, dans les sermons, la preuve infaillible de la résurrection. Prêché le 14 janvier 1957. La deuxième partie du paragraphe 83. La preuve infaillible de la résurrection. Du lundi 14 janvier 1957. Ceci est le don divin. Je n'ai rien du tout à faire avec cela. Je ne sais même pas s'il le fera. Il a 5 différents dons qu'il a placés dans l'église. Je suis en désaccord avec votre théologie. Vous imposez les uns aux autres et de mettre celui-ci à l'écart, celui-là à l'écart et de donner à celui-ci des dons. Nous sommes en désaccord avec cette théologie-là. Oh, regarde un peu dans l'église. On peut faire. Nous allons faire une retraite de 2 semaines. J'ai compris que toi, tu dois être un apôtre. Je vais te préparer ici. L'autre, toi, on va faire le jeûne de 4 jours. Tu dois être un prophète. Je vais t'imposer la main. C'est pas ça. Bon, ok. Dieu donne ses dons souverainement. Ce n'est pas l'homme qui manipule et qui commence à calculer. C'est Dieu qui les établit lui-même. Comprenons ça. C'est Dieu qui donne des dons. Les dons, et les appels sont sans repentir. Et ça, ce n'est pas du tout l'enseignement baptiste. Hein? C'est l'enseignement biblique. Premièrement, il y a les apôtres. Est-ce vrai? Premièrement, ou un meilleur mot. Notre Abraham qui a dit que c'est mieux apôtre, selon ce que lui pensait. En accord avec la Bible, bien sûr. Ici, il dit le meilleur mot à celui d'apôtre. Le missionnaire. Donc pour se faire comprendre aujourd'hui. Le mot apôtre veut dire un envoyé. Et un missionnaire, c'est un envoyé. Alors il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Dieu les place dans l'église pour l'édification de l'église. Ce sont des dons. Ce sont des esprits au service. Envoyés de la présence de Dieu. Pour exercer un ministère dans chaque office de Dieu. Ce sont des esprits au service. Qui sont envoyés de la présence de Dieu. Un esprit en service. C'est cela. Chacun de ce ministère. Tous les cinq là, chacun d'eux. C'est un esprit en service. Envoyé de la présence de Dieu. Vous avez un ministère. Hein? Ce sont des esprits en service. Des esprits en service. Gloire à Dieu. Vraiment, c'est une très bonne chose. Alors quand je lis dans Jésus-Christ et le même hier, aujourd'hui éternellement, du 23 février 1958, la deuxième partie du paragraphe 11, les apôtres ou les missionnaires, nous les appelons missionnaires aujourd'hui. À l'époque primitive, on les appelait apôtres. Eh bien, tout le monde sait que le mot apôtre veut dire un envoyé. Eh bien, et le mot missionnaire veut dire un envoyé. Tous les deux, c'est donc la même chose. Amen. Amen. Sommes-nous d'accord? Amen. L'époque primitive. Maintenant, la théologie, en ayant évolué comme ça pour introduire le mot missionnaire, et essayer d'écarter le mot apôtre, éloigner de notre langage commun, ils ont préféré des fois utiliser ce langage pour que le mot apôtre ne fasse allusion qu'aux 12 que le Seigneur avait établis. Et pour arriver finalement à démontrer aux gens que le ministère apostolique n'existe plus. Donc, le ministère apostolique s'est arrêté avec les apôtres. Et l'un de ces gens adeptes de cette théologie-là a rencontré le Frère Branham un jour. Et il dit, voici ce que vous faites de faux. Écoutez même. Il dit ce que vous faites de faux dans vos prédications, dans vos réunions. Ce que vous essayez de présenter un ministère apostolique. Alors que le ministère apostolique s'est arrêté avec les 12 apôtres. Pouvons-nous croire une telle bêtise? Loin de là. Alors, j'aimerais lire ce qu'il en est ici. Frère Branham raconte cette histoire dans les citernes crévassées. Du 23 janvier 1965. J'aimerais que vous gardiez votre souffle hein? Parce que je voulais vous ajouter quelque chose de mieux là, mais si vous êtes fatigué, je vais arrêter. Comme ça, je vous inviterai en semaine pour que notre petit titre ici trouve encore un justificatif dans votre fort intérieur. Dans les citernes crévassées, du 23 janvier 65, paragraphe 63. Il n'y a pas longtemps, un jeune prédicateur baptiste, il est ici même ce matin, est venu me voir, et il m'a dit, Frère Branham, il y a une chose que vous faites qui est fausse. Oui, c'est normal, on peut reprocher un frère chrétien. Le problème, c'est que quand on n'a pas la révélation de ce dont on parle, on peut continuer à commettre des erreurs et multiplier les erreurs. Cet homme n'avait aucune révélation. Il vient au messager que Dieu a établi par une commission originale et une deuxième commission originale. Bon, il y a des choses que vous faites qui est fausse. J'ai dit, aidez-moi donc. Quelle humilité. Aidez-moi donc. Ne soyez jamais imbu de vous-même. Rempli de vous-même. Tout grand par vous-même. Faites-vous petit pour que Dieu vous fasse grand. Frères et sœurs, mariés célibataires, que cela, l'humilité soit notre référence. Aidez-moi donc. Aidez-moi. Il m'a dit, vous êtes, je pense que vous êtes quelqu'un de sincère, quelqu'un de bien, mais j'ai dit, et Frère Branham dit, je vous remercie, monsieur. Et il a dit, mais il y a une chose sur laquelle vous êtes dans l'erreur. J'ai dit, puisque Dieu n'est trouvé qu'une seule chose fausse. Zambi, ati la kumona kukuta eloko yango moko ya mabewana. Ah, Zambi. Ndeko moni vraiment que eloko moko na zani libunga et tika peke Zambi amona ngo pe ezaka ka moko. Ezala humilité. Voyez ça? La sincérité pour être aidé. Bosembo pona kusunga. Quelqu'un vient estime que vous êtes en erreur. Oui, toi, moi, Liva, Yonan. Non. Soyez humble. Ne soyez pas toujours menaçant, agressif et tout. Jésus a dit qu'il était doux et humble de cœur. Voilà que Frère Branham, on l'approche comme ça. Parce que son frère, certainement, il a souffert. Quelqu'un de bien, de sincère, oui. Mais, il y a une chose. Oh, cher frère, puisse Dieu aussi ne voir qu'une seule chose qui est possible. Parce que si Dieu envoie plusieurs, il y a un peu plus. Toi tu as vu une, mais Dieu envoie cinq. Mais Dieu aussi n'envoie qu'une seule. Et il a dit, eh bien, voici ce que vous faites de faux. Et il a dit, vous essayez de présenter au monde un ministère apostolique. A-t-il dit? Alors que le ministère apostolique a pris fin avec les apôtres. Le même gaillard reconnaissait que l'église baptiste regorge des missionnaires. Sa propre église baptiste comptait des missionnaires. Mais le ministère apostolique a pris fin. Maintenant ces missionnaires-là que l'on vante tant, ils sont dans quel verset biblique? Ils sont décrits où est leur travail. Quand on commence à les dissocier, le ministère apostolique. La question qui doit se poser, ces missionnaires-là sont décrits dans quel passage biblique? Du Nouveau Testament, c'est l'église de Dieu. Mais voilà. Voilà. Vous voyez là où la théologie amène les gens? On évite ces mots, on évite celui-là, on crée des histoires, et on casse ici, on casse là-bas, et à la fin vous vous retrouvez très loin de l'évangile. Vous aurez des théories qui sont autres que la parole de Dieu. Lentement mais sûrement, loin du but. En train de soutenir des croyances qui n'ont pas un soubassement vrai dans les écritures. Branham pour nous aider dire, hein? Apôtre et missionnaire, c'est la même chose. Non, ici, non. Le ministère apostolique a pris fin avec les 12 apôtres. Et l'autre, on dit, mais les missionnaires, pourquoi ça n'a pas de problème, les amis? Mais, baza wapi n'a pas la parole, les amis. De cette manière-là. C'est grave. Il dit, vous essayez de présenter au monde un ministère apostolique. Alors que le ministère apostolique a préféré les apôtres. Quand moi j'analyse ces propos de ce gaillard ici, en réalité, il a identifié dans frère Branham un ministère apostolique. Mais à cause de sa dénomination, il est devenu incapable de les reconnaître. Mais il était prévisiblement admettre que Branham était un missionnaire. Ça, il pouvait admettre. Mais à Pâques, non. Vous essayez de présenter son monde. En venant dire que c'est une chose fausse, c'est pour lui une façon de les décourager à ne pas évoluer dans le sens des ministères apostoliques. Parce que, et ça l'a gagné sous souté. Atika n'aïe cacao. Atika, tout ce qu'il y a un prédicateur, tout ça, évangéliste et tout ça. Mais apôtre, c'est. Tomate, bon tomate. Voilà comment quelqu'un peut s'approcher de la vérité. Réaliser que c'est à peu près vrai. Et faire volte-face demi-tour. Comme les jeunes hommes riches. Ne plus suivre ce chemin-là. Mais regagner sa dénomination. C'est malheureux. J'ai dit. Puisque nous sommes entre baptistes. J'aimerais vous poser une question. Il a dit laquelle? J'ai dit. Croyez-vous que la parole de Dieu tout entière est inspirée? Et il a dit, eh bien, certainement. J'ai dit. Alors, il a dit. N'y ajoutez pas une seule parole et n'en retranchez pas une seule. Alors, j'ai dit, je vais vous montrer. Je vais maintenant vous montrer où les bénédictions apostoliques sont venues sur les gens par une promesse de Dieu. Par une promesse de Dieu. À vous de me montrer la promesse de Dieu et les moments où elles ont quitté ces gens. Si vous ne pouvez pas montrer cela dans la parole, alors oubliez cela. Voyez-vous? Et je dis, parce que c'est toujours valable. Il n'a plus rien dit. Mais c'est lui qui venait en correcteur. Pour redresser William Branham. Branham s'est humilié pour être aidé. Mais voilà maintenant, lui qui avait beaucoup de choses à dire, pour démontrer comment il faisait une chose fausse, il marque les mots. Il n'a plus rien dit pendant quelques instants. Alors j'ai dit, eh bien, alors frère, j'aimerais vous demander ceci. Je représente le message apostolique au jour de la Pentecôte. Et nous savons tous que c'est vrai. Parce qu'il avait les clés du royaume que Jésus lui avait donné. Remarquez ce qu'il a dit. Il a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, dans notre grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si donc il y a un passage où il a tiré cela, qu'est-ce qui est arrivé aux paroles de Pierre au jour de la Pentecôte? Vous voyez? Non. Cela n'a jamais pris fin. Donc ce que Pierre a dit au jour de la Pentecôte, en qualité d'apôtre, continue à produire les effets jusqu'à présent. Par conséquent, le ministère apostolique n'a jamais pris part. Ne soyez pas étonnés que des caractéristiques apostoliques apparaissent encore de nos jours. Qu'un ministère apostolique soit encore en action. Ne soyez pas étonnés. Alors, pour terminer, je vais juste vous lire une des expressions habituelles de frère Branham, en accord avec cela, la manière dont il s'est présenté lui-même. Il dit ceci, dans les sermons Une porte dans une porte, du 23 février 1960, par exemple 169. Il dit ceci, je suis un missionnaire. Je suis un missionnaire. Et je fais plusieurs fois le tour du monde. Quand elle dit, je suis un missionnaire. Que comprenez-vous là? Il est quoi? Il est? Parce que les deux, d'après son propre enseignement, c'est exactement la même chose. Apôtre et missionnaire, c'est exactement la même chose. Très bien. Yo. Je suis un missionnaire. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Et je trouve quand je vais en Allemagne, je trouve un esprit allemand. Je vais en Finlande, il y a un esprit différent. Je vais en Australie, il y a un autre esprit. Je vais en Amérique, il y a un autre esprit. C'est un esprit national. Et attention, on peut même dire, si on vient au Congo, il y a un esprit aussi là-bas. Quand vous allez au Rwanda, un esprit. En Afrique du Sud, un esprit. Afrique, au Zimbabwe, un esprit. Zimbabwe. En Tanzanie, un esprit. Tanzanie, au Congo, Brazzaville, un esprit. Congo, Kenya, Gabon, un esprit. Kenya, Gabon, c'est un esprit là. Et attention, tous ces esprits sont du diable. Mais les allés à Zabolo. Olingi kozala ki kongolité, l'ivoirité. Hein? On a mboka Congo, la mboka Côte d'Ivoire, l'ivoirité. Kuna ya Côte d'Ivoire. Hein? On aime trop ça. Ce sont des esprits du diable. Les esprits de Dieu en service sont des ministères. Congolais. Parce que tu habites la République démocratique du Congo. République démocratique. Démocratique du Congo. Eh, République avec démon. Il vient à Congo. Avec des con, ils sont des con, avec des conneries. Con. Des conneries. Des esprits diables. Vous devrez être de nouveau. Ma connerie, oui, de Fanderia, un pays très riche, pays de conneries. Vous voyez, mais toujours couvre la boule. À quoi ça sert ces conneries? Nous sommes très très riches, un jugement minier, et ceci, cela. Des conneries. Vous va vous venez. Toujours ça. Ça peut faire des conneries en gros. Ça va se mettre dans ma solange. Nous gonflons les épaules. Comme un petit pays, comme un petit Rwanda, fait conneries. La réalité s'impose. Vous devez naître de nouveau. C'est le frère David Angouazaka congolais. Je n'ai pas besoin d'être congolais. J'ai besoin d'être chrétien. Ok. C'est un esprit national et tous ces esprits sont du diable. C'est ce qu'a dit Jésus. Les royaumes de ce monde appartiennent au diable. C'est lui qui les dirige tous. Dites amen. Amen. Oh. Parole comme ils sont vérité, ils ont le bama ou comme ils font d'ailleurs pour côté parti politique. L'alliance, je ne sais pas de quoi là-bas. Non, la parole reste la parole. Vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez laisser les esprits politiques là. C'est démoniaque. Il y a des démons. Il y a beaucoup la carona. Eh bien, C'est ce qu'a dit Jésus. Ainsi, tu vois, c'est un esprit national. Les esprits des nations sont des diables. Ils sont des diables. Et nous devons dire Amen. Amen. Ce sont des esprits du diable. Oh, il a dit ça. Alors, dans les sermons appelés Jésus sur la scène. Non, je prends ça après. Si Dieu voudra, notre occasion. Christ identifie le même dans toutes les générations. Le 15 avril 1964. Hein? Paragraphe 36. Il dit ceci. Je suis un missionnaire. Et j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. D'accord? Toujours missionnaire. J'ai été dans toutes sortes de champs missionnaires à l'étranger. J'ai entendu les païens, les bouddhistes, les musulmans et d'autres à travers le monde. Mais il n'y a qu'une seule véritable religion qui existe enfin. Une seule véritable qui a le salut. Et c'est le christianisme. Bouddhiste. Musulmans. Une seule religion qui a le salut. Une seule religion qui existe en fait. Et le christianisme. Paragraphe 37. Nous terminons vraiment par ça. Paragraphe de Dieu. Nous en avons diverses versions. Ce que nous appelons le christianisme. Mais il n'y a qu'un seul christianisme. Le christianisme n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un groupe de gens. Mais c'est quoi? Le christianisme, c'est une personne. Et c'est Christ. Christ. Et vous êtes son sujet. Et bien vous allez. Le christianisme, c'est pas un groupe de gens. C'est pas une dénomination. Mais c'est une personne. Cette personne, c'est le Christ. Et vous êtes son sujet. Ainsi donc, nous croyons qu'il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Nous le croyons de tout notre cœur. Et nous croyons qu'il est ici maintenant. Nous croyons qu'il est tout aussi vivant ce soir qu'autrefois. Il vient se manifester parmi nous le même qu'autrefois. Amen. C'est ce que nous croyons. Amen. Maintenant, pourquoi toutes les autres religions sont disqualifiées? Les prophètes démontrent que chacune d'elles a un fondateur. Et de ce fondateur, vous pouvez indiquer l'endroit précis où il y a sa tombe. Mais le christianisme est la seule religion qui a une tombe vide. Toutes les autres religions. Même le brahmanisme. Si le fondateur du brahmanisme. Parce qu'il ne l'est pas. Le brahman n'est pas fondateur du brahmanisme. Mais les brahmanistes ont fondé leur religion brahmaniste. Pour adorer Brahman et se faire appeler adorateur de Brahman. Mais Brahman n'est pas leur fondateur. Ils veulent salir son nom. Ils veulent discréditer le message. Ce sont des envoyés de Satan pour nuire aux objectifs de son message. Ils veulent dresser le message contre le christianisme. L'une de leurs missions c'est de minimiser Jésus pour élever à sa place Branham. C'est de rendre Jésus petit et de faire Branham grand. Plus grand que Jésus. Ce sont des esprits démoniaques. Mais même en faisant de Branham leur fondateur, nous pouvons comprendre que c'est une religion des adorateurs de William Branham. C'est une religion déclassée comme les musulmans. Comme les bouddhistes. Comme les sikhs. l'hindouisme, le kimbanguisme, et tralala. Parce que chacun de là, leur fondateur a une tombe révélable. La tombe de William Branham existe encore parmi nous. Elle existe. Nous en avons les images jusqu'à présent. Vidéo et photo. Vous voulez payer le billet, vous allez la voir. Elle est là-bas. Elle n'est pas vide, elle est occupée. Mais le christianisme, c'est la seule religion qui a un tombeau vide. Et c'est pour cette raison que votre message certifie la seule religion valable. La seule religion qui existe. En fait. Dans les faits. Le christianisme basé sur la personne de Christ. Et nous sommes ces sujets. Aimez-vous ça? Alors, Frère Branham était missionnaire de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Prophète de Dieu. Et Dieu lui-même l'a désigné en tant que tel. Nous ne le disons pas parce que lui a dit qu'il est missionnaire, c'est parce que Dieu l'a qualifié. Apôtre, Thomas, prophète, identifié. Amen. Par rapport aux deux commissions qu'on a vues. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Vous voyez qu'il y a encore des choses à dire, beaucoup encore, mais c'est notre maison. Nous ne pouvons pas tout épuiser aujourd'hui. Sinon, certains vont craquer. Ils seront plus supportés, ni comprendre. Alors, il y a une question qui nous a été posée. Monsieur pasteur, éclairez-nous à ce sujet. Lorsqu'un prédicateur visiteur vient vous prêcher au tabernacle chrétien et se présente comme missionnaire, devons-nous comprendre automatiquement que c'est un apôtre? Non. Réponse non. Et à noter. Pas automatiquement. Mais à mon côté. Parce que j'en connais un qui se présente comme tel. Non, nous n'avons pas à comprendre automatiquement que c'est un apôtre. C'est une manière dont les gens se présentent. Et dans cette manière de se présenter, si vous avez suivi la leçon de ce matin, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Mais s'il devait juste comprendre automatiquement que c'est un apôtre, il n'allait même pas tirer une conclusion que Dieu a apprécié. Donc, vous ne pouvez pas décerner ce titre à quelqu'un parce que lui le désire. Le programme nous dit, on le verra. On ne devient pas apôtre parce qu'on désire être apôtre. Personne ne peut devenir prophète parce qu'il désire être prophète. Non. C'est pas le désir de la personne. C'est Dieu qui donne ses dons. C'est Dieu qui qualifie ses services. Et nous devons examiner sur base de la parole avant de comprendre ou conclure comme cela. Donc, si la personne qui se présente comme missionnaire a pour penser d'être appelé apôtre, bon, pour lui plaire, alors comme dit Frère Branham, j'appellerai apôtre celui qui veut être appelé apôtre. Non pas que je crois qu'il est apôtre. Mais si lui veut être appelé comme oui, apôtre, c'est pour communier, non? Apôtre, bonjour. Thomas, bote. Il aime ça, il adore. Apôtre, bonjour. Bonjour. Mais dans le cœur, on ne croit pas ça. Nous quand savons ce que c'est un apôtre, c'est qui? Il y a pour ce qu'on le bien côté, à quoi t'en avoir? Problème, un procès. Il combine à quoi s'en dit ça? Ou l'ingo sur l'angaï? Yo petit mot comme et tout. Non. Que Dieu nous aide. Aligné bongo, il veut être appelé révérend. Révérend! Révérend! C'est comme on avait quelque part un frère tout jeune comme ça. Il était cool des détails aussi comme ça. À peine il venait de commencer à exhorter. Un mois après. Oh, appelez-moi révérend. Lui-même. Un frère court comme ça. T'as la zone. Oh non, je ne voulais pas appeler révérend frère, parce que je suis révérend. Quel est le problème qu'il y a ici? Voilà. Donc, on n'a pas tiré de conclusion. Non, on peut faire plaisir à quelqu'un qui voudrait bien être ça. Mais ce qu'il doit être en réalité, c'est ce que Dieu dira de lui. Si Dieu ne nous a pas parlé, nous allons nous réserver. Mais si c'est pour plaire, dans le cadre du fair play, être un gentilhomme chrétien, être exactement chrétien comme notre prophète, on ne fera pas de barrière pour des petits morts. On se fera souffle pour avancer. D'accord? Donc si lui dans sa tête est missionnaire, ah, ok, il n'y a pas de problème, mais nous en avons un contenu. Nous savons ce que c'est. Si nous devons appeler ou reconnaître quelqu'un, il faut que les critères de la parole soient alors nous savons que tel est ici. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Nous chantons le cantique Ruissellement numéro 50, pour nous à la rivière. Dans mon recueil, c'est la page 17. Thank you. humblement. Mikitisa. Parlons à Dieu maintenant. Tolobila Nzambe sakaiti. En accord avec ce que nous avons entendu. Kanina otu tikoyoka. Lorsque Dieu envoie un serviteur, nous avons le devoir de croire et recevoir pour bénéficier de tous les avantages liés à son ministère et du progrès spirituel. Prions chacun. Dieu va prier pour la fin de la prédication. Zambe tata boton Dieu boton di mingi pona liloba oyo sepeli ko pesa biso na tongo ya lelo maton di nkolo ko ta otemi tema na biso ko totali si biso li susu ete zali tata na biso ko zali kolei sa biso na bilo ye bungi penza ko te kondima na biso ete na penza na moboko na bantoma. Mpe mitema na biso, miela na biso, ebongisa mapona boye na yo ebeleni. Kolo pambola liloba oyo kati na motema moko na moko. Tikete liloba na yo eingela penza mitema. Pe ekokisa kati na motema moko na moko tina oyo yango ebeleni na tongo ya lelo. Et comment mettre le banan et qu'on n'a pas un autre, sauf que vous êtes dit, on a bien mis. Seigneur, ton dîner est la vie solo. Amen. Et ça, les ma bongo. Amen. Qui n'est un colo, moi, non, mon bali, moi, c'est un petit cas. Ayaki, alors, mon gombo pour n'a quoi adorer, yo. Amen. Attirer vraiment profit véritable, na présence, naé, awa, na mon gombo. Amen. Ma ton d'un colo. Pambola, mon kengeli, David. Et ça, les lots, où ils sont allés pour la costa, pour les lots, ils sont tongo et à l'élo. Et ça, ils sont sous coléka. Amen. Et ça, ils boignent. Amen. Maëlle, où ils sont zambé. Amen. Et pas quoi, ils n'ont yo. Amen. Au pema, man, yo. Amen. C'est le temps où ils sont à la mesure. Il y a collègue, ça, ben, pas, t'es n'a yo. Amen. N'a n'engue, c'est n'a yo. Amen. On rappelle, biso, que le tomo, n'yosso, n'a côté, le balanzambé, bango banso babiyanga lipona kote ya kola kisa na ndenge longo bani liloba sala yango tata na tinete confirmation ya molimo na yo e ya likona liloba pe o confirme biso ete yon kolo Yesu Kristo ozala bon moi katikati na biso matondi nkolo pona oyo etikali toyebi ete moko na moko azwi oyo obongisaki mpona ye tokozonga na ndako na esengo. Tout la présence na yo. To lay pe to tondi. Amen. Fortifié biso ko te monguna sécurité comme on a biso ko vanda boy ko kaliloba. Akoela biso alolenge moko to mosusu. Kasi o to yoki loko ya liloba na yo et sunga biso pona ko affronter ye. Amen. Et to tambola comme de véritables combattants de la foi. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Ou maman kolo kembisama sanjolama. Liloba na yo ebongi be. Amen. Pona ko sembola, pona ko lakisa, pona ko pamela. Pe kati na ngo nguya ya ko bitisa. Ezali. Ezala bokoro na molimo, ezala ya nzoto. Sala yango tata mpona lokumu be ya yo moko. Tosengi boye kati na kondima, na kombo na nkolo, pe mobiti na biso Yesu Kristo. Amen. Amen.